Le dos nous. Cher Lassia, avant toute chose, merci pour vos remarques sur le dossier que je vous ai transmis. À l'instant où j'écris ces lignes, je suis de mon bureau devant mon ordinateur. Certains chapitres seront peut-être très directs, mais nous en avons déjà discuté. Je sais que je peux tout écrire, et que vous pouvez tout lire, même le récit des moments très particuliers que j'ai pu vivre avec Nathalie. Je dis très particulier car encore aujourd'hui, cette orientation sexuelle et amoureuse est vue comme déviante par une grande partie de la société. Une grande partie, mais pas toute. Faisant quelques recherches, j'étais surpris par le nombre d'articles et de témoignages de couples qui vivaient ainsi leur amour. Surprise qui en fait n'en était pas une. Tous les spécialistes, psychologues, psychiatres et sexologues s'accordent sur le fait que les seuls couples amenés à vivre ce type de relation pérenne et harmonieuse sont ceux pour lesquels l'amour est fusionnel. Je ne dis pas passionnel, mais bien fusionnel. Cet amour dans lequel l'un est l'autre et l'autre est l'un. Avant de vous connaître, et tant il me semblait beau, j'avais déjà tenté de confier ces moments plus qu'intimes à mon clavier. J'avais longtemps hésité. Je me disais que les bien-pensants allaient salir ces heures merveilleuses par leur réflexion au vitriol. Je l'avais tout de même fait, puis, rongé par le doute, avait supprimé les fichiers correspondant à de longs mois de travail. J'en avais été malade. Je venais de rejeter Nathalie, comme si j'avais honte d'elle, honte de nous. Pendant quelques jours, j'avais été assommé par ce que je venais de faire. Puis une espèce de rage m'avait pris. Qu'importait le temps, il fallait que je récupère ce que je venais de détruire. Avec la détermination est revenu le calme et avec le calme, la raison. J'ai longtemps tâtonné, mais j'y suis parvenu. J'ai récupéré les fichiers effacés pour les mettre dans un répertoire où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Je ne savais pas que quelques années après, je pourrais les inclure dans le récit de notre histoire d'amour. J'ai lu et relu ces lignes. Comme tout ce que j'ai écrit, elles ne seront jamais un chef-d'œuvre. J'aurais tant voulu avoir ne serait-ce qu'une part minuscule du talent de tous ces magnifiques auteurs qu'au fil des années de lycée, mes professeurs m'avaient fait découvrir et appris à aimer. Qu'importe, lorsque je me relis, c'est à chaque fois le même miracle. Comme si j'étais encore près d'elle, à la voir si belle, sa main tendue vers moi, transfigurée par la joie de se donner corps, cœur et âme. Je sais que je vais vous faire sourire, mais s'il était besoin d'une preuve de l'existence d'un Dieu, cette grâce qui nous était faite en était une. Encore merci pour tout, Lassia, je vous dois tant. Avec toute mon affection, Jean. Voilà, c'est parti. Les mains posées bien à plat sur les accoudoirs du fauteuil comme vous me l'avez enseigné, je commence le protocole de régression en fixant un point juste devant mes yeux, bien calé le rythme de respiration. 1, 2, 1, 2, 3. En visualisant chaque nombre, je ferme les yeux. Nathalie. Tout devient gris, puis noir. Au loin, très très loin, une lumière. Elle se rapproche vite, très vite, de plus en plus vite. Paris, un restaurant. Je déjeune avec un collègue de travail. Nous sommes fin décembre 1983, le 26 exactement. J'ai 41 ans depuis un mois et je viens de fêter mon 18e anniversaire de mariage. Au restaurant avec mon collègue, nous sommes en pleine discussion politique. Bien qu'élu de droite au conseil municipal de sa commune, il est abonné à un périodique de gauche, le Nouvel Observateur. Il est en train de m'expliquer que pour bien connaître ses opposants, il faut les écouter et surtout les lire. Il me dit « Prends le temps de jeter un œil sur l'éditorial de Julliard et on en reparle un de ces jours. » Il pousse son magazine vers moi. Je suis si peu intéressé par ce périodique que je le range dans un tiroir de mon bureau. Il y serait sans doute resté longtemps si je n'avais eu besoin d'un dossier sur lequel je le retrouve. Je repars le soir en le glissant dans ma mallette et lis le fameux éditorial dans le RER qui me ramène chez moi. Rien de transcendant, ni que je ne sache déjà. Je suis sur le point de le ranger quand je tombe sur la dernière page, celle des petites annonces. Le texte de la première annonce est le suivant. Jeune fille divorcée, 33 ans. Suis peut-être jolie, peut-être pas. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin de tendresse. Si vous pensez en avoir un peu à partager, écrivez au journal qui transmettra. Homme marié non exclu. Mentionnez la référence NL 4502. La tendresse. C'est la première fois que je vois ce mot dans une annonce de la rubrique Rencontre des dernières pages du Nouvel Obs. Je relis le texte plusieurs fois avant de passer aux autres annonces qui du coup me paraissent bien fades. Le lendemain, j'arrive très tôt à mon bureau pour avoir un moment de calme afin de répondre à NL4502. J'écris « Bonjour NL4502. Dire que je suis indifférent à la beauté d'une femme serait mentir. Mais qu'est-elle sans cette tendresse dont vous parlez si bien ?» Suivent un rapide autoportrait et un court développement sur la motivation. Je signe Jean. La réponse me parvient 3 jours plus tard. « Bonjour Jean. Merci pour votre lettre. » Nous pourrions encore nous écrire et ensuite échanger nos photos. Mais si j'aime bien écrire, je n'aime pas par contre distribuer mes photos. Que diriez-vous de faire vraiment connaissance devant un verre la semaine prochaine, vendredi à 18h au café Le Donou, rue Donou? C'est une petite rue qui donne sur l'avenue de l'Opéra. Si vous en êtes d'accord, un simple oui suffira. Nathalie. Ma première réaction est de noter l'absence du H dans l'orthographe de son prénom. La seconde est de prendre une feuille de papier sur laquelle je trace un grand oui très appliqué. Je signe Jean et glisse ma missive dans une double enveloppe, sans oublier de mentionner l'adresse du bureau de poste du Louvre en poste restante pour le journal qui transmettra la réponse. Traverser la rue et poster la lettre dans la boîte la plus proche ne me prend pas plus de 2 minutes. Je viens de décider de rencontrer Nathalie en moins de 3 minutes. Le week-end de la Saint-Sylvestre est interminable. Le mardi matin, une lettre m'attend au bureau de poste. J'ouvre fébrilement, massacrant le papier. Elle ne peut pas venir, elle a changé d'avis. En quelques secondes, tous les scénarios me passent par la tête, mais aucun n'est le bon. Bonjour Jean. Je sais que vous n'aurez pas le temps de me répondre, mais je prends le risque. Je serai à notre rendez-vous avec un peu d'avance, mercredi au lieu de vendredi, en espérant vous y trouver. 1000 excuses pour ce changement de dernière minute. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Nathalie. PS. Je suis blonde et j'aurai un manteau gris. Tout se bouscule dans ma tête. Demain, à 18h, se donne le temps de faire connaissance. Si le courant passe, il faudra bien 2 heures, donc 20h, l'heure de l'invité à dîner. Comptez 2 heures à 2h30 de plus, 22h30 donc, trop tard pour rentrer à la maison, avec une explication qui tienne la route. Solution, prétexter un déplacement à Lille où nous avons une filiale et prendre une chambre d'hôtel non loin du bureau. Je n'ai pas le moindre scrupule à bâtir ce scénario. J'ai encore en mémoire le souvenir de ma conversation avec Patrice Endom et celui bien plus prégnant de 18 ans de frustration. Je me retrouve donc le mercredi à 18h rue Donou devant le café Le Donou. Seul petit problème, le café est fermé. Une grande affiche est apposée sur les vitrines de la terrasse. Fermé pour travaux. Réouverture le 1er février. Je regarde autour de moi. À part quelques piétons pressés d'aller prendre leur métro et une vieille dame qui promène son chien, je ne vois qu'une femme de 33 ans, blonde avec un manteau gris, ayant l'air d'attendre un rendez-vous. Je commence à faire les 100 pas sur le trottoir devant le café. Il ne fait pas très chaud. Malgré mon épais manteau, je ne vais pas tarder à avoir froid. Pour la 10e fois, peut-être, je fais demi-tour et entame un 1e passage devant le café. À 30aine de mètres sur la droite, une porte d'immeuble s'ouvre, libérant d'un coup 10aine de personnes. Sans doute une sortie de bureau. En moins d'une minute, la rue quasi vide, l'instant d'avant, se retrouve animée de petits groupes qui, pour la majorité, remontent dans ma direction vers la station Pyramide. Juste en arrière, en grande partie dissimulée par 3 personnes marchant de front sur le trottoir, une femme blonde, assez grande, avec un manteau gris. C'est elle, j'en suis certain. Pourquoi? Comment? Je suis bien incapable de le dire, mais je suis sûr que c'est elle. Il fait déjà nuit, et l'un des réverbères est éteint, ce qui la met en plein contre-jour. De toute façon, à cette distance, je ne peux voir son visage. Quand les 3 femmes qui la précèdent changent de trottoir, le contre-jour fait ressortir une silhouette et une démarche d'une rare élégance, souple, naturelle. Elle se rapproche, elle est à quelques mètres. Elle est grande, environ 1m75, peut-être plus. Mais là, je ne vois qu'un visage ravissant aux traits volontaires, ponctué de 2 grands yeux bleus et de 2 adorables fossettes, le tout encadré par une chevelure blonde coiffée sur le côté et retombant sur son épaule gauche. Elle est très belle. Je ne peux détacher mes yeux des siens, au point d'en être inconvenant. Le temps est comme suspendu. Je ne sais par quelle magie chacun de ces mouvements se fait au ralenti. Je dois avoir l'air idiot, planté au milieu du trottoir. J'ai dû me tromper. Il n'est pas possible qu'une telle femme puisse croiser mon chemin. Encore moins s'arrêter, et plus qu'inenvisageable qu'elle daigne m'adresser la parole. La sensation de froid de tout à l'heure a fait place à une énorme bouffée de chaleur. C'est la panique totale. Je dois avoir les joues et les oreilles écarlates, d'autant plus qu'il est certain qu'il m'a identifié. Le sourire qui illumine son visage et la main qu'il tend vers moi en sont la preuve. C'est la première fois que j'entends sa voix. Jean. Jamais mon prénom n'a été prononcé de cette manière, et par une aussi jolie bouche. Une voix douce, mélodieuse, avec une pointe d'accent indéfinissable. Il me faut bien quelques secondes avant de réagir. Nathalie. Avec toujours un temps de retard, je prends la main tendue, douce et chaude malgré le froid mordant. Elle me dévisage avec application. Je ne sais pas de quoi je dois avoir l'air, sans doute à demeurer, parce qu'à part son nom, je n'ai pas prononcé un seul autre mot. Je sens pourtant que la tétanie qui me gagnait est en train de disparaître, effacée par un sourire plein de douceur et deux yeux bleus emplis de tendresse. C'est comme un enchantement, une espèce de sortilège. Jamais une femme ne m'a regardé comme ça. Ce n'est pas le regard d'une femme satisfaite du trouble qu'elle provoque, mais simplement celui d'une femme heureuse d'être là, à cet instant. Tout à coup, son sourire s'efface, elle fronce les sourcils. « Mon Dieu, vous avez l'air mort de froid. Pourquoi n'êtes-vous pas entré ?» C'est la première phrase que je prononce, je balbutie. « J'aurais bien voulu, mais c'était un peu compliqué. »« Oh, c'est fermé. Désolé, je suis navré. Le café d'en face est ouvert. Vous auriez dû aller vous mettre au chaud, au risque de vous manquer. » Le sourire revient. « Merci, c'est gentil. Venez vite. » Tout naturellement, elle me prend le bras et nous traversons la rue pour entrer dans ce café qui, vu le peu d'affluence, n'attendait que nous. Nous nous installons au fond de la salle, près d'un porte-manteau auquel je suspends son vêtement après l'avoir aidé à s'en défaire. Je m'empêtre un instant dans les manches de mon manteau et elle attend poliment que je l'ai accroché près du sien pour s'asseoir. Dans le mouvement souple qu'elle fait pour se glisser sur sa chaise, j'ai le temps d'apercevoir une jupe droite en laine bleu marine à motif écossais, parfaitement ajustée sur des hanches, où l'on pourrait croire qu'elle a été directement cousue. Pour le haut, c'est un épais pull blanc, à col roulé assez près du corps, qui met en valeur une poitrine en parfaite harmonie avec l'ensemble de sa personne. Les mains croisées sur la table sont très fines avec des ongles bombés soigneusement manucurés. Elle a une façon de se tenir et un port de tête sans raideur ni affectation. Tout chez elle respire, gentillesse, droiture, énergie. Je le lis sur un visage dont le modelé involontaire du menton, des maxillaires et des pommettes ne peut effacer la douceur accentuée par deux grands yeux d'un bleu variant du saphir à l'aigle marine, suivant l'incidence de la lumière. Le blond de ses cheveux est légèrement cendré et, contrairement à ce que je suppose dans l'instant, parfaitement naturel. Je m'installe. Cassant tant bien que mal mes jambes sur la petite table au plateau de marbre et fait signe au barman. Le brabôme vient tout de suite prendre notre commande. Il a bien vu que nous étions frigorifiés. Ce sont des boissons chaudes pour tous les deux, des infusions aux fruits rouges. Je lui demande si elle veut manger quelque chose. Elle décline gentiment, me disant qu'en général, elle ne dîne pas avant 20 heures et est toujours très léger. Puis elle s'excuse pour avoir avancé le rendez-vous de façon si cavalière, m'expliquant qu'un emploi du temps professionnel très fluctuant risquait à la dernière minute de remettre en cause celui de vendredi. Elle a préféré prendre le risque de tout avancer à mercredi, croisant les doigts pour que je sois disponible. Elle s'excuse aussi pour m'avoir obligé à l'attendre dans le froid. Je lui fais remarquer qu'elle ne pouvait prévoir que le donou était en travaux et que pour le reste, l'essentiel est que nous soyons là, maintenant. Je souligne. Cet emploi du temps est une bénédiction. Nous avons gagné 3 jours et permettez-moi à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Plus je la regarde, plus je suis sous le charme. Je parie qu'elle est artiste, peintre ou musicienne. Seigneur Dieu, comment est-il possible qu'elle soit encore là? Je voudrais la toucher, pour m'en assurer, mais n'en fais rien de crainte de la voir disparaître, comme disparaissent en un souffle les songes du petit matin. Je suis certain que derrière mon air faussement assuré, elle a dû sentir mon trouble et ma timidité chronique. Un sourire, deux adorables fossettes, une petite phrase et le double nœud de mon estomac se défait aussitôt. Merci pour vos vœux. En tout cas, c'est une année qui commence bien. Je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Le sourire de cette bouche magnifique et son regard bleu achèvent de me ressusciter. Elle me demande « Parlez-moi de vous. » Le temps passe très vite. Je lui résume brièvement ce qu'a été ma vie et le plus pudiquement possible pour quelle raison je me retrouve ce soir dans ce café en face d'elle. Elle m'écoute, ses grands yeux bleus rivés aux miens avec au coin des lèvres son sourire si attachant. Puis, c'est son tour de se raconter. Elle me parle d'elle pendant plus d'une demi-heure. Entre-temps, nous avons recommandé des infusions bien chaudes. Elle se nomme Nathalie Lorlane, son nom de jeune fille, américaine, d'où la légère pointe d'accent et l'orthographe sans âge de son prénom. D'origine irlandaise, elle est née à Houston, au Texas, le 10 juin 1950. Alors qu'elle était adolescente, ses parents ont repris le domaine viticole de son grand-oncle paternel, décédé sans enfant ni autre héritier. Cette propriété de plus de 1000 hectares est située dans la Napa Valley, au nord de San Francisco. Elle-même en a ensuite hérité de ses parents 6 ans auparavant. Ils sont décédés dans un accident de la route, tués sur le coup par un poids lourd dont les freins avaient lâché en pleine descente. Elle me dit combien la mort de ses parents l'a bouleversée, et la bouleverse encore. À cette évocation, ses yeux s'embuent légèrement, mais d'un sourire, elle chasse le mauvais souvenir, et m'explique que l'amour de son petit garçon l'a aidé à avancer. Je lui pose quelques questions sur son fils. Elle l'a eu à 28 ans, tout juste un an après son mariage. Mais il est né avec un handicap de l'élocution, une atrophie des cordes vocales pour laquelle toutes les thérapies ont échoué. Elle me raconte que Peter, c'est son nom, est un enfant adorable, très doué pour la musique et très sensible, sans doute du fait de son handicap. Elle revient sur son adolescence en Floride et en Californie, puis ses études supérieures à l'Institut de technologie de Rochester, où elle obtient 2 doctorats à 25 et 27 ans, un en astrophysique, l'autre en géophysique. Les bras m'en tombent, le manteau aussi sans doute, car elle me demande quelque peu perplexe, mais avec un petit rire, « Vous en faites une tête. Vous êtes docteur en astrophysique et en géophysique. » Amusé. « Oui, pourquoi ? Quelque chose dans votre religion vous interdit de parler aux scientifiques ? Non, pas du tout, mais je me retrouve avec 2 questions. » Son sourire illumine son visage et ses yeux pétillent de malice. Quelle est la première ? Il y a 1 minute, je me représentais tous les scientifiques avec de grosses lunettes, un crâne dégarni et une grande barbe blanche. Je vais avoir du mal à vous faire entrer dans ce schéma. Surtout qu'en plus, j'avais parié que vous étiez artiste, musicienne. Un petit rire. Vous semblez déçu. Je la regarde en souriant franchement. Vous n'imaginez pas à quel point. Cette fois, son rire réveille le barman qui somnolait derrière son comptoir. Quelle est la 2e question ? Bien que je sois cadre, il se trouve que je n'ai pas mon bac, ce qui nous situe à des années-lumière l'un de l'autre. Nous allons peut-être avoir un problème pour communiquer. Ne pensez-vous pas que nous y parvenons très bien, et en ce qui me concerne, au-delà de toute espérance ? Le compliment me va droit au cœur, au point que j'ai du mal à trouver les mots pour lui répondre. Tout comme pour moi, j'avais si peur d'être déçu. Ses yeux me scrutent avec douceur. Est-ce le cas ? Il semblerait que non, au point de me permettre de vous inviter à dîner. Je crois que nous avons encore plein de choses à nous dire. Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, ça me paraît convenable. Elle rit encore une fois. J'accepte avec grand plaisir, à une condition. Et laquelle ? Vous parliez d'année-lumière. Que représente une année-lumière pour vous ? Je la regarde l'air aussi détaché que possible. Je vais sans doute vous décevoir. Pour moi, ça ne fait qu'une succession interminable de kilomètres. Aux environs de 10 000 milliards, si je ne m'abuse. Elle rit et tout en se levant. Bravo, monsieur qui n'a pas son bac. Et comme vous avez piqué ma curiosité, je crois que je vais accepter votre invitation à dîner. Le barman nous appelle un taxi qui, par miracle, arrive très vite. J'aide Nathalie à passer son manteau et pour la 2e fois de la soirée, je suis tout proche d'elle. Son parfum remonte jusqu'à moi et je ne sais par quel miracle je peux me retenir de refermer mes bras autour de ses épaules. Je crois bien que je tremble et je dois m'y reprendre à 2 fois avant de réussir à passer les manches de mon manteau. Le taxi nous conduit dans le 17e arrondissement et nous dépose devant un restaurant dont le goemio vante l'excellence de la table et l'ambiance feutrée. Accompagné du maître d'hôtel, nous traversons la salle sous les regards admiratifs des quelques couples en train de dîner. C'est le maître d'hôtel qui, cette fois, la débarrassée tient sa chaise. Je m'assieds à mon tour à l'instant où elle se relève. Juste un instant, excusez-moi. Lorsqu'elle revient, j'anticipe et je suis debout derrière son siège avant qu'un quelconque importun ne vienne me gâcher ce plaisir. Elle a remis un peu de parfum. Pourquoi l'a-t-elle fait, si ce n'est que je lui ai plu? De toute façon, si c'était le contraire, elle n'aurait certainement pas accepté mon invitation à dîner. Nous apportons des serviettes chaudes, le maître d'hôtel vient prendre notre commande. Elle opte pour une dorade grillée et je la suis dans son choix. Je prends la carte des vins et la première chose que j'y vois, c'est que deux vins blancs de Californie y figurent, tous deux de la Napa Valley. Lui tendant la carte, je lui dis « Regardez en bas à droite, vous êtes certainement beaucoup mieux placé que moi pour choisir. » Un bref coup d'œil, elle relève la tête avec un sourire. « C'est vraiment gentil, mais il y a tellement d'excellents vins en France. De toute façon, sur les deux, je n'en connais qu'un, un vignoble voisin. Eh bien, nous prendrons celui-là. » Elle incline la tête en un geste qui plus tard me sera familier. Ses yeux dans les miens, elle dit « Vous êtes adorable, Jean, merci. » La conversation s'oriente tout naturellement vers la Californie et en particulier San Francisco, au nord de laquelle je situe la Napa Valley. Elle en parle comme d'une région magnifique, pleine de vie, bouillonnante d'activité et de culture. Pendant que le maître d'hôtel découpe la dorade, j'entreprends à mon tour de lui parler de l'Afrique, terre inconnue pour elle. En quelques phrases, j'essaie de lui décrire ce qu'est la vie en brousse, où sont implantés les complexes sucriers sur lesquels je travaille lorsque je suis en mission. J'insiste pour que ce soit elle qui goûte le vin, et à son expression ravie, je devine que le verdict est plus que favorable. Tout en dégustant le poisson parfaitement cuit et parfumé, elle me demande de lui en dire davantage sur mes fréquentes missions en Afrique. Je lui parle du Sénégal, du Mali, de la Haute-Volta, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Congo. Je lui dis que j'aimerais beaucoup connaître l'Afrique du Sud. Elle m'écoute, ses yeux bleus changeant de nuance au gré de la flamme vacillante de la bougie posée sur le côté de la table. On dit que la lumière des bougies met en valeur la beauté des femmes. C'est vrai pour elle aussi, mais en a-t-elle seulement besoin? Elle mange par petites bouchées avec une délicatesse qui n'a rien affecté, et c'est un vrai bonheur de la regarder, essuyer délicatement ses lèvres pour boire une gorgée de vin. De l'Afrique du Sud et de ses vignes, la transition est vite trouvée pour ramener la conversation sur la Californie et sur la vie aux États-Unis. Après l'école primaire à Houston, où elle est née, elle a fait ses études secondaires et supérieures à Melbourne, non loin de Miami, pour terminer par 4 ans de doctorat à Rochester dans l'État de New York. Elle se marie la même année à un avocat new-yorkais et met Peter au monde l'année suivante. Son mari ne supporte pas le handicap de leur fils, lui en faisant porter la responsabilité, et leur relation devient conflictuelle lorsque l'enfant, atteignant l'âge de 2 ans, le niveau du handicap est confirmé par les plus grands spécialistes. Elle divorce alors qu'elle n'a pas encore 30 ans et, sur concours, obtient un poste de conseiller d'ambassade. Elle est nommée conseillère scientifique auprès de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, où elle vit maintenant depuis 4 ans. Son ex-mari ne fait aucune objection à son départ pour la France avec leur fils. 4 ans à Paris. Je suis surpris qu'elle ait appris le français en si peu de temps et le parle parfaitement sans presque aucun accent. Si elle en a une telle maîtrise, c'est parce qu'elle l'étudie depuis le lycée et qu'ensuite elle l'a pratiquée quotidiennement avec une Française. Béatrice, colocataire et amie à Rochester, qu'elle retrouvait plus tard à Paris. Sa maîtrise du français d'ailleurs un des atouts qui lui a valu d'obtenir ce poste. Elle me raconte combien elle a souffert de découvrir que l'homme qu'elle avait cru aimer et épouser était en fait un narcissique préoccupé de sa seule image. Image qu'il considérait comme ternie par la venue au monde de cet enfant handicapé. Il se désintéresse d'ailleurs complètement de ce que son enfant et sa mère sont devenus, se contentant de verser régulièrement la pension alimentaire, ce qui est un moindre mal. Lorsqu'elle me parle de tout ça, son beau visage prend une expression si triste que par pur réflexe de compassion, je ne peux m'empêcher de lui prendre la main, geste qui lui redonne le sourire. Un peu triste, tout de même, ce sourire. Confus, je retire ma main. Je saurai très vite qu'en dehors du cadre professionnel où, comme le veut sa fonction, elle est capable de garder un masque d'impassibilité en toutes circonstances, son visage et ses yeux sont le reflet permanent de ce qu'elle ressent. Joie, désir, tristesse, réprobation. Il n'y a que la colère que je n'ai jamais vu marquer ses traits, enfin presque. Elle me dit ne pas vouloir d'ambiguïté entre nous et me précise le but de son annonce. Depuis la naissance de Peter, et en particulier depuis qu'elle est arrivée à Paris, sa vie tourne exclusivement autour de son fils et elle entend lui consacrer l'essentiel de son temps libre. Béatrice lui a vite fait remarquer que pour une jeune femme de son âge, il n'est pas possible de mener une vie de nonne sans sortir, sans distraction. Bref, rester à l'écart de la vie sans que son comportement s'en ressente et fatalement entraîne des conséquences sur sa relation avec Peter. Son psy le lui a confirmé. Je ne peux que souscrire à cet avis, soulignant que je suis l'exemple vivant de ce qu'il ne faut pas faire. Mon addiction au travail, conséquence du naufrage de ma vie conjugale, étant en partie responsable de la détérioration de la relation avec mes enfants. Je la regarde comme si je voulais imprimer chacun des traits de son visage dans ma mémoire, et tout à coup, c'est comme si je la reconnaissais. Là-bas, tout au fond de moi, une petite voix me le chuchote et me dit qu'elle est celle pour qui j'ai traversé ces longues années de non-vie. Une sorte d'angoisse me prend. Que m'arrive-t-il? J'espère que mon trouble passe inaperçu. J'essaie de prendre un air détaché et la prie de poursuivre. À la façon dont elle me regarde, je la sens intriguée, déstabilisée même. Lit-elle dans mes pensées? Suis-je si transparent? Elle tout saute et reprend. Pourquoi les paroles qui suivent me semblent-elles manquer de conviction? Elle cède aux remarques insistantes de Béatrice à une condition, rester libre et donc ne pas envisager de revivre sous le même toit qu'un autre homme. Béatrice pense qu'un homme marié est l'idéal pour un tel plan et qu'il en existe certainement qui s'inscriront dans sa démarche, d'où la précision sur l'annonce. Cela fait un mois que son annonce passe sur le périodique et elle a déjà eu 4 rendez-vous auxquels elle n'a pas donné suite. Les messieurs rencontrés ne cherchaient qu'une aventure d'un soir, alors qu'elle souhaite une relation suivie, une amitié amoureuse avec chacun sa vie. Elle se tait et me regarde d'un air interrogateur. Vous trouvez peut-être que j'en demande beaucoup? Pas du tout. Cela correspond exactement à ce que je souhaite et il n'y a pas que cela qui corresponde. Elle prend un air faussement innocent. Ah bon? Et quoi d'autre? J'accepte de lui répondre, mais à condition qu'elle veuille bien prendre un fondant au chocolat et un peu de champagne. C'est d'accord. Mais qu'il soit bien entendu que c'est par simple curiosité, non par gourmandise. Puis elle rit. J'avoue, il y a en fait autant de curiosité que de gourmandise. Comme beaucoup de femmes et pas mal de messieurs aussi, je suis très curieuse et très gourmande. Lorsqu'on nous apporte nos desserts et le champagne, je lève mon verre et trinque, fixant son regard. Pour répondre à votre question, je ne vois pas de meilleure réponse que de porter un toast. À une rencontre inespérée, à la beauté et à l'intelligence d'une femme qui, malgré des dons peu communs, s'est restée simple et naturelle. À vous, Nathalie. L'émotion se marque immédiatement sur son visage. Elle cherche ses mots. Mon Dieu, il y a bien longtemps que je n'avais entendu paroles si gentilles. Elle se ressaisit pour, à son tour, porter un toast. Je ne regrette pas d'avoir accepté le dessert et le champagne. À moi de vous dire combien j'apprécie cette rencontre et cette soirée. Un homme aussi mystérieux qu'attentionné, délicat et charmant, et qui de plus est joli garçon. À vous, Jean. Nous buvons sans nous quitter les yeux. Si je n'avais fait qu'espérer que quelque chose passerait entre nous, j'en suis maintenant certain. Je me lance donc et lui fais un aveu. Le chocolat et le champagne, en fait, c'était un test. Les yeux s'arrondissent. C'était aussi parce que je suis aussi gourmand que vous. Et pourquoi donc vous fallait-il mettre ma gourmandise à l'épreuve? Parce qu'en fait, je me suis souvenu de ce que m'avait dit ma marraine alors que je venais juste d'avoir 15 ans et que je lorgnais de plus en plus fréquemment le corsage des filles. Les deux coudes plantés sur la table, Nathalie pose son menton sur ses deux mains jointes, ses yeux bleus me scrutent amusés. Je suis tout ouïe. Pour son époque, ma marraine, sœur de ma grand-mère, était une femme très libre, vivant depuis plus de 20 ans avec un homme qui m'avait vu naître et me témoignait toujours beaucoup d'affection. Il s'appelait Jean, comme moi. Elle refusait obstinément de se marier et ne l'acceptera qu'à 88 ans, un an avant sa mort. Totalement anticonformiste, elle s'autorisait même à fumer en public chaque fois qu'elle en avait l'occasion, non par goût mais par provocation. Bref, elle m'avait dit un jour « Tu sais, mon garçon, concernant les femmes, il n'y a qu'une chose que tu dois savoir. Lorsqu'une femme avoue ne pas aimer le chocolat, là, il te faut sérieusement te méfier. Mais si en plus elle n'aime pas le champagne, alors prends tes jambes à ton cou et sauve-toi aussi loin que tu le peux. » Le rire de Nathalie fait se tourner quelques têtes. « J'aurais beaucoup aimé connaître votre marraine. C'était une femme très avisée. Et je partage son opinion ainsi que son goût pour le chocolat et le champagne. » Elle a prononcé chaque mot lentement, presque à voix basse, et ses yeux n'ont pas quitté les miens. « Avez-vous fait passer ce test à toutes les femmes que vous avez connues ?»« Hélas non. En fait, vous êtes la première. » Les yeux bleus me scrutent. « Et à quoi dois-je cet honneur ?» Tout simplement au fait que j'étais certain du résultat et comme je vous l'ai dit, j'avais aussi vraiment très envie de partager une gourmandise avec vous. D'interrogateur, le regard de Nathalie est devenu très doux. À la façon dont elle plisse les yeux et se mordit les lèvres, je peux sentir son trouble. « You are a sweetheart, Jean. J'aimerais beaucoup prolonger cette soirée, mais il va falloir, hélas, penser à rentrer. » Je regarde ma montre et me confonds en excuses. Il est un peu plus de 23 heures et nous travaillons demain tous les deux. Avec la permission de Nathalie, à qui j'ai expliqué que je garderai ensuite le taxi, le maître d'hôtel nous appelle une voiture. Dans le taxi, elle donne son adresse au chauffeur. 88 avenue Foch. Elle me sourit. Vous êtes le seul avec qui je l'ai fait. Je me sens en totale sécurité avec vous. Ses paroles m'ont vraiment touché. Je prends ses doigts et dépose un baiser léger sur le dos de sa main, main que je lui rends aussitôt. Nous n'échangeons plus un mot et elle me sourit encore lorsque le taxi se gare le long du trottoir dans la contre-allée devant un bel immeuble haussmannien, séparé de l'avenue par un jardin clos d'une majestueuse grille en fer forgé. Je demande au chauffeur de bien vouloir m'attendre 5 minutes, lui ouvre la portière et lui donne la main pour descendre. Elle me remercie d'un petit signe de tête. « Venez, nous n'allons pas nous dire au revoir dans ce froid. » Elle ouvre le portail de la grille qui sépare les jardins du trottoir et je la suis dans le hall de l'immeuble. Son sac à l'épaule, elle me prend les deux mains. Merci pour cette soirée, Jean. Ce sont des heures que je n'oublierai jamais. Votre sincérité m'a beaucoup touché. Merci encore, du fond du cœur. Elle s'avance un peu, me regarde de ses grands yeux bleus, et m'embrasse sur les deux joues, puis ouvrant son sac, en sort une carte de visite qu'elle me tend. Vous y trouverez mes numéros de téléphone, privé, ligne directe, du bureau à l'ambassade, ainsi que mes coordonnées Minitel. « À bientôt, j'espère. » Elle tourne les talons, fait quelques pas, se ravise, revient vers moi, et avant que je n'aie pu esquisser un geste, m'embrasse sur la bouche. Un baiser léger comme un papillon, mais qui me laisse le temps de goûter à la douceur de ses lèvres. Elle fait quelques pas en arrière, m'envoie un autre baiser qu'elle souffle sur sa main, se retourne, et cette fois disparaît dans l'ascenseur. Je reste un instant planté là au milieu du hall, encore ébloui par son sourire et ce baiser si doux, puis... Reprenant mes esprits, je ressors et grimpe dans le taxi qui me dépose directement à mon hôtel, pas très loin de mon bureau. Demain matin, je serai moins de 5 minutes de travail. Il faudra juste que je sois vigilant en sortant de l'hôtel. Ce serait plus qu'embarrassant si je tombais nez à nez avec un collègue. J'ai du mal à m'endormir, totalement imprégné de son rire, de sa voix, de ses grands yeux bleus.